Nous sommes en juillet, les cigales chantent et Phil Vaughn de Vaughn Magnet nous reçoit. Phil, bonjour. Bonjour. Tu nous as dit qu'à ses débuts, le groupe n'avait pas de nom. Comment avez-vous choisi de vous nommer Vaughn Magnet et que signifie ce nom pour vous ? Le nom est venu par coïncidence sans que l'on comprenne d'abord pourquoi. Au départ, on n'avait pas de nom, donc c'était un groupe sans nom. Et il est apparu un peu comme ça, c'était à Londres. Je ne sais pas, à l'origine, et en fait à l'origine ça veut dire déjà Vaughn, c'est l'origine. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire deux. C'est Van en hollandais, c'est Don en espagnol, etc. C'est tirer l'origine de quelque chose en fait. Et l'origine de Vaughn Magnet, c'est bon, ce rapport au magnétisme, mais au départ, on n'a pas percuté sur le fond de ce que ça voulait dire. C'est comme si le nom, moi je dis ça tout le temps, ça, les gens pensent que je suis un peu intello, mais, ou que je frime, mais en fait, j'avais presque l'impression que le nom nous avait choisi, sans que nous on le choisisse réellement. Et au bout de 3, 4, 5, 6 ans, on a finalement compris, après plusieurs spectacles, plusieurs... ce que le nom voulait réellement dire pour nous, c'est-à-dire cette puissance de la fascination qu'il y a pour toujours le froid, le chaud, le masculin, le féminin, l'est, l'ouest, le nord, le sud, tout ce côté totalement, vraiment le clash ou l'embrassade, mais... C'est ce qui fait dans toutes nos actions théâtrales ce qui revient. Et depuis 25 ans, on tourne toujours autour de ça. On peut pas. Le nom a pris toute sa force et continue à. Des fois, on peut imaginer que des groupes perdent un peu le lien avec leur nom parce que peut-être leur chemin bifurque. Mais en fait, nous, non. On est de plus en plus en phase avec ce nom-là, étonnamment. D'origine, parlons-en. Tu mélanges électro et flamenco depuis les débuts de Vaughn Magnet dans les années 80. Comment as-tu découvert, toi, le flamenco et comment as-tu eu l'idée de créer cette fusion musicale assez inhabituelle ? Alors, c'est une vieille histoire. J'étais donc à Londres. Je voulais monter donc un projet musical, mais... J'avais pas trop de direction dans un sens artistique précis. Donc je venais de la scène Indus ou Bad Cave et j'avais des influences assez fortes, mais pas vraiment d'identité culturelle propre au sens des racines traditionnelles. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est la rencontre avec Flore, qui elle avait vécu en Espagne, en Andalousie, qui a fait que j'ai pu rencontrer des artistes andalous, donc en 86 déjà, 1986. Et parallèlement à ça, j'ai aussi eu la chance de rencontrer le milieu du flamenco londonien, qui était, comme dans beaucoup de capitales européennes, quand même très actif, même si très loin de l'Espagne. Et les gens de ce milieu-là ont eu l'ouverture d'esprit de vouloir, de bien accepter de collaborer avec nous et même d'intervenir sur scène avec nous. Donc en fait, très rapidement, dans les premiers projets de Vaughn Magnet, sur scène, il y avait à la fois des gens qui venaient plus de l'Indus et des gens qui venaient comme on dit, la Peña Flamenca de Londres, donc qui normalement jouent dans des restaurants ou dans des cabarets flamenco. Ce qui était assez étonnant, puisque un peu du jamais vu. Donc dès le départ, il y a cette sorte d'attirance de ces deux mondes qui s'est créée. Ils nous ont appris énormément de choses. Moi, j'ai pris des cours de danse assez rapidement et je suis resté une dizaine d'années comme apprenti danseur dans beaucoup de cours avec plein de maîtres différents, des professeurs. Après, je suis allé en Espagne, j'ai appris avec d'autres grands maîtres de flamenco. J'ai toujours continué cet apprentissage pendant qui m'a permis d'emmener dans Von Magnet toujours un renouveau sur les parties rythmiques, sur des idées qui me permettent de communiquer donc avec le monde traditionnel flamenco, entre guillemets. J'ai découvert votre syncrétisme musical électro-flamenco avec l'album De l'aimant en 2004. D'autre part, pour t'avoir vu sur scène, je sais que tu es un bon interprète de flamenco, y compris au niveau de la danse. Mais le milieu flamenco est assez fermé et les gitans ont parfois du mal à collaborer avec un gajo comme toi. Comment s'est passée cette collaboration? Comment t'es-tu imposé dans ce milieu-là? Ouais, tout d'abord, j'ai jamais cherché à m'imposer dans ce milieu-là, donc ça résout le problème. Ce que je veux dire, c'est que très rapidement, en fait, j'ai compris que n'étant pas issu du monde traditionnel flamenco et que ma recherche, ma quête était de nature différente, je ne serais jamais le réseau de la danse flamenco nécessairement. En fait, moi, ce que je prends, c'est la science du flamenco, mais après, je la transforme et je la fais mienne. Donc, même au niveau de la danse, je suis devenu plus comme une sorte de percussionniste. J'ai une technique assez particulière on ne peut pas vraiment apparenter à du flamenco, de la danse flamenco très vue ou commune. Et je me suis écarté, en fait, peu à peu, pour faire quelque chose de plus froid, moins olé olé, moins. Il y a beaucoup d'aspects de démonstratifs dans le flamenco qui m'intéressent peu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté, à la limite, de l'expression de l'essence, du sentiment. Et pour ça, je cherche pas à passer par la démonstration, mais plus par puiser en moi les dernières énergies pour transcender un sentiment, en fait. Je suis un fou amoureux de flamenco, mais en même temps, j'ai pris vraiment mes distances. Donc, je peux pas apparenter notre travail aux travaux de gens du flamenco, à part sur certains projets comme Enrique Morente avec Omega. C'est un projet aussi avec un groupe de hardcore espagnol que je trouve magnifique. Mais en fait, notre démarche, elle est très spécifique. Et quand on joue en Espagne, on a beaucoup de détracteurs qui... Soit une partie du public comprend le côté innovateur peut-être, ou un peu hybride ou mutant, et sont intéressés par ça. Soit l'autre partie du public refuse en bloc parce qu'ils ne reconnaissent pas les codes, en fait, les codes précis. Même s'ils comprennent que c'est les mêmes rythmes qui sont en dessous, comme dans De l'aimant, tous les morceaux de l'aimant, ce sont des rythmes flamenco très, très précis. Pour quelqu'un qui connaît le flamenco, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, c'est la façon dont on l'utilise devient très rigide, en fait, puisqu'on utilise des machines. Et ça, les gens de flamenco, ils ont du mal à adhérer, parce que le flamenco n'est pas fait réellement pour être rigide. Et nous, en fait, on aime le côté rigide et froid, parce que bon, c'est notre culture électronique. Donc on touche à quelque chose d'un peu sensible, où effectivement, la plupart des gens de flamenco qui viennent travailler avec nous sont souvent... Comme pour De l'aimant, c'est une guitariste qui est d'origine indonésienne et une danseuse percussionniste qui est russe-canadienne. Donc même si elle est prof de flamenco, mais elle vit à Séville parfois, etc., c'est quand même des gens qui sont pas... Ils sont comme nous, un peu des sortes de cyber-gitans qui ont plusieurs pays, plusieurs origines, et dont le flamenco est venu comme ça les fouetter au passage, et ils utilisent le flamenco pour exprimer plein d'émotions, mais c'est pas des gens qui sont ni gitans purs, ni flamenco espagnol pur, c'est un peu des errants comme nous, quoi. Et je pense que c'est avec ces gens-là qu'on peut arriver à créer, parce que dès que j'ai essayé de travailler vraiment avec des gens du milieu puriste, ça a jamais vraiment fonctionné, ça marche pas. Ça arrive. Mais il y a quand même des exceptions avec des projets artistiques originaux, comme le ballet qu'a présenté Israël Galvan au Festival In d'Avignon cette année, par exemple, n'est-ce pas ? Von Magnet, c'est quand même, on est dans un rapport très underground, donc il faut passer à l'overground pour arriver à toucher ce type de personnalité. Peut-être avec ce que vous avez vu d'Israël Galvan, ça va peut-être ouvrir. Effectivement, j'ai été assez surpris, je pense que ça va ouvrir des voies. Puisqu'il est tellement à la mode maintenant qu'il est reconnu internationalement. Je pense que ça va vraiment ouvrir des voies qui vont permettre à des gens peut-être de réviser leur opinion sur notre travail. Grâce à lui, parce que lui prend des risques, finalement. Mais ça prendra du temps. Je pense que jusqu'à présent, le flamenco était un peu coincé dans quelque chose de... Depuis que Cameron de la Isla est mort, en fait, on cherche toujours le nouveau chanteur qui va tout casser. Et il n'y en a pas. Et tous les jeunes flamencos sont assez heureux. Enfin, soit c'est parce qu'ils arrivent à financièrement s'en sortir. On ne sent pas cette déchirure, cette terrible blessure qu'un chanteur de flamenco peut avoir et qui fait que son travail est magique. Maintenant, la plupart des jeunes flamencos à la mode à Madrid ou à Séville, ils font des fusions avec soit la salsa, soit le rock, soit le tango, je sais pas, mais ça reste très heureux. Il y a un fond heureux. On va pas vraiment dans le rondo qui fait mal et qui racle et qui est aigu et qui vient de la tripe et et c'est rugueux et c'est pas sympathique et ça. Et ça, soit c'est les vieux chanteurs qui ont toujours bon ça, mais dans les jeunes qui ont envie de s'aventurer avec cet esprit-là et l'évolution en transformant le flamenco, on trouve pas encore grand-chose. Et c'est pour ça que même Von Magnet, qui a toujours ce côté gothique en fait, par essence, noir romantique, qui pour moi s'y est parfaitement à ce qu'est le flamenco, c'est pour ça que je vois pas où il y a une possible antinomie, parce que ce côté noir romantique, il est par essence dans le flamenco, même s'il est dans plein de musique noire et gothique aussi. Donc pour moi le mélange il fonctionne, mais il faut convaincre les gens du milieu puriste qui n'ont pas cette culture électro-gothique indus que c'est possible et que c'est concret et que ça marche. Au-delà du stylistique, il faut qu'ils le sentent. Et peut-être ce qu'a fait Israël Galvan va emmener peu à peu ces gens-là à comprendre ce chemin que nous, on a parcouru peu à peu, toutes ces années. Mais je pense qu'on était un peu en avance sur notre temps. Israël Galvan, qui est chorégraphe, Cameron de la Isla, qui était un grand chanteur, t'ont touché. Mais les influences de Von Magnet viennent pas seulement de la péninsule ibérique, mais plus largement du Moyen-Orient aussi, ou du Maghreb. Par exemple, toi-même, tu avais mené un projet solo en marge de Von Magnet il y a quelques années, fruit d'une collaboration avec des musiciens gnawa venus d'Essaouira. Alors, ils viennent pas d'Essaouira, ils viennent de Fès, en fait. Au tout départ, je pense que c'est à travers le flamenco que j'ai connu la musique arabo-andalouse, qui est souvent citée dans certains artistes flamenco qui travaillent aussi sur des fusions avec la musique arabo-andalouse. Par la suite, j'ai eu la chance donc d'être invité en résidence pour 6 mois à Fès, et c'est là où j'ai rencontré un poète soufi, un violoniste arabo-andalou et une tribu réellement, une confrérie, plus exactement gnawa, qui m'ont accepté. Je suis devenu un peu leur frère aussi. Donc j'ai fait l'album avec ces amis-là, en essayant de respecter leur univers, d'emmener mon univers et de trouver la fusion qui puisse coller à ces deux mondes. Et par la suite, on m'a demandé de faire un spectacle sur cette collaboration, et donc on a créé un spectacle avec les musiciens gnawa qui a été joué au Maroc et au lieu unique à Nantes. Mais ça, c'était donc sans Von Magnet, c'était au titre personnel donc. Effectivement, moi je suis totalement attiré par tout ce monde assez mystique, qui tout se recoupe. Hein. Le soufisme aussi prend diverses formes, suivant les confréries, suivant les pays, suivant les sensibilités. Donc des fois j'imagine que Von Magnet c'est aussi un projet soufi à sa manière, au sens large. Je crois qu'en ce moment, disons qu'on balance entre justement deux éléments qui étaient fondamentalement un retour au flamenco, qu'on avait un peu laissé parce qu'on était parti en errance sur aussi d'autres sonorités avant. Et là, on est revenu vers l'Orient, avec ni prédateur ni proie. Voilà, donc il y a ce balancement. Donc après, je sais pas, peut-être je vais revenir au flamenco encore. C'est délicat, mais tous nos points sont là autour de la Méditerranée. Réellement, il y a une source tellement riche, tellement puissante aussi. Pour trouver une inspiration, je trouve qu'il y a déjà autour de nous quelque chose de vraiment fondamental qui mérite plein de transmutations artistiques. Voilà. Votre dernier album s'appelle « Ni prédateur, ni proie ». Quelle a été la genèse de cet album et de son nom en particulier ? Le « Ni prédateur, ni proie », c'était une phrase forte qui était le titre d'un morceau de notre album « Mesclador ». Sur un texte assez poétique. Quand nous avons joué donc à l'Opéra de Berlin, la pièce était soutenue par Agnès B. qui nous a offert de faire un t-shirt et pour marquer ce thème. Dans le dos du t-shirt, on avait mis cette phrase dans 6 ou 7 langues. Et tout d'un coup, ça fait bien 10 ans plus tard, oui, ça fait, oui, je ne sais plus. Cette phrase est revenue vraiment comme une évidence parce qu'on voulait parler du problème moyen-oriental, donc Palestine, Israël, et ni prédateur ni proie, on trouvait que c'était vraiment la phrase qui résumait notre sentiment par rapport à ce point sensible et à ce thème-là. Voilà. C'est une phrase qui fut et qui revient avec encore plus d'impact pour nous. Cet album ne fait pas exception à la règle, car il est une fois de plus lié à une de vos performances artistiques sur scène. N'avez-vous jamais envisagé un album purement musical qui ne soit pas lié à une performance scénique ? C'est un peu délicat pour nous parce qu'on a on existe que parce qu'on fait de la scène. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui sortent des disques. C'est pour ça qu'on sort peu d'albums, réellement. On sort un album tous les 3-4 ans, ce qui parfois est assez frustrant. On a besoin de temps pour mûrir des choses, mais on a aussi besoin de vivre les choses sur un projet théâtral, musical, sur une scène, pour comprendre quelle est l'énergie du chant, quelle est l'énergie de la composition, avant de pouvoir l'imaginer tel qu'un disque aussi. On n'a jamais eu de studio, par exemple. Comme on est errant, je change de ville tous les ans, tous les 2 ans, donc... C'est pas facile d'avoir une sorte de logistique, de dire on rentre on est dans un studio, on a un. Non, c'est toujours tout se fait comme ça, un peu dans un espace-temps privilégié, sur un voyage, sur une rencontre. Et tout ça, voyage et rencontre, ça veut dire aussi inévitablement préparer un spectacle en fait. Je pense qu'on est dans l'action et le partage, donc pour nous et pour une expression réelle, il n'y a que le spectacle qui compte. Le disque, c'est juste un support pour supplémentaire qui est assez frustrant, puisque je me doute qu'il y ait des gens qui connaissent les disques, qui n'ont jamais vu le Von Magnet sur scène. Donc ils ont vraiment l'impression qu'il leur manque tout un visuel qu'ils devinent en écoutant le disque. Ça paraît, on a des disques qui sont assez théâtral déjà à l'écoute. Et on doit se dire, mais qu'est-ce que j'aimerais bien voir ce qu'ils font. Et comme on joue pas non plus énormément, c'est vrai que c'est un projet un peu difficile à attraper. Je pense pas qu'on fera un disque purement pour le plaisir de faire de la musique en tant que... voilà. support musical pur. Il faudra toujours que ça corresponde à un spectacle. Parce que c'est vraiment là où Flore aussi, qui est ma partenaire dans le groupe depuis 20 ans, elle vient du théâtre. C'est, bon, maintenant, elle est devenue une chanteuse incroyable. Mais au départ, sa spécialité, c'est la mise en scène, c'est la scénographie, etc. Donc, pour elle, par exemple, juste le disque est totalement incomplet. C'est pas satisfaisant. On va vraiment toujours essayer d'inventer une forme de communication, de communion avec la scène. Ça, c'est nous. On ne pourra pas changer ça, je pense. Pourtant, ne vous est-il jamais venu à l'idée de produire un DVD donnant une idée de votre spectacle? Certains autres groupes l'ont fait, Rosa Crux par exemple. Est-ce envisageable dans le cadre de Von Magnet? Difficilement, je ne sais pas, mais j'ai toujours une réticence vis-à-vis du DVD parce qu'il n'y a pas l'odeur. Non, c'est pourquoi pas, mais c'est quand même toujours plat. On regarde un écran plat où on perd toutes les autres dimensions de ce qu'on peut vivre quand on va voir un spectacle vivant. Donc c'est un compromis pour peut-être emmener des gens à avoir envie de voir le spectacle réellement. C'est, pourquoi pas. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le maximum d'images vidéo sur Internet pour inciter les gens déjà, ça leur donne un avant-goût, un parfum de... Mais le DVD en tant que support d'achat, déjà au niveau production de l'objet, il faut avoir les moyens et puis la structure qui va assumer de faire ça avec le groupe. C'est souvent évoqué, mais c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Et ça me manque pas cruellement, je dirais. Voilà. Au fur et à mesure des spectacles successifs depuis plus de 20 ans, on peut s'apercevoir que Von Magnet est un groupe à géométrie variable. Finalement, quel est le noyau dur de cette formation, en plus de toi-même? C'est une question compliquée. En fait, y a un rapport tribal, mais pas vraiment tribal, comment dire, il y a un rapport familial. Disons que Von Magnet a tissé des liens, que la formation s'est déplacée sur différentes villes, donc on a emmené des gens au passage, on en a laissé au passage, il y en a qui sont... On a eu des couples qui se sont formés, c'est presque comme c'est un projet de long terme, sur le long terme il y a un rapport presque... Voilà, c'est un projet de vie, donc dans ce projet de vie, il y a un rapport familial qui se crée. Donc il y a des gens qui sont pas foncièrement dans Von Magnet, mais qui sont quand même dans Von Magnet. Même du premier formule de groupe, on a des gens avec qui on continue, ou qui interviennent comme invités sur des concerts particuliers, qui ont carte blanche parce que c'est des collaborateurs de la première heure, donc on sait exactement ce qu'ils peuvent faire. Après, effectivement, chacun a des réalités différentes, chacun a ses projets solo ou ses projets autres. Et c'est aussi là où on essaie de trouver des solutions. La beauté de tout ça, c'est que après toutes ces années et toutes les personnalités qui sont passées dans le groupe, on est tous des frères et tous des sœurs. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas de... Souvent dans les groupes, on voit les gens qui se fâchent et tout ça. Non, c'est pas le cas pour nous. Donc là, dernièrement, on avait fait de l'aimant l'année dernière et on s'est retrouvés à 8 ou 9 parce qu'il y avait des vieux Von Magnet qui étaient revenus, il y avait Sigmund, il y avait Rick Jaeger, il y avait le trompettiste qui a joué sur plein d'albums qui était là. Donc c'est ça qui est assez fascinant. Donc du coup, le de l'aimant qu'on a joué ce jour-là était différent du mois d'avant puisque tout d'un coup, il y a tous ces nouveaux anciens qui débarquent. Donc voilà, disons que Flore et moi sommes les gardiens de la flamme, on dirait. Après, il y a des gens qui restent très longtemps. Par exemple, là, on a Def, qui travaille aussi avec Diamanda Galas, qui est avec nous depuis plus de 10 ans maintenant, qui était notre ingénieur du son. Maintenant, il est sur scène avec nous. Il a co-écrit le nouvel album. Donc, c'est un musicien électronique qui sort aussi des albums sur le label Spectre en Belgique. Voilà, donc il y a Def, il y a Flore, il y a moi. Là, on a des nouveaux qui viennent d'arriver. Pour de l'aimant, c'est plus des gens du flamenco qui sont avec nous aussi, pour donner aussi le côté guitare flamenco, danse flamenco. Et pour le nouveau projet Ni Prédateur Ni Proie, comme il y a très peu de flamenco, c'est beaucoup plus indus, donc on a une troupe plus indus. Donc aussi au fil des propositions de projet, le groupe mue comme un serpent en fait, il change de peau. Et... L'avantage c'est qu'on a toujours une ligne, mais on est toujours différent. Et on n'a jamais arrêté par rapport à des groupes des années 80 qui ont fait des grandes pauses, tout ça, qui sont revenus parce qu'ils sentaient qu'il y avait une sorte de demande, une mode. Et on rejoue jamais les morceaux anciens, donc c'est un groupe étrange, il n'y a pas... On ne revient pas sur le passé, on est toujours dans une recherche continuelle et on essaie d'avancer, on est en quête tout le temps. Donc effectivement, ça peut déboussoler des gens qui sont restés attachés à des disques anciens ou à des formules anciennes, qui nous ont peut-être vus il y a 5 ans, ils s'attendent à revoir les mêmes gens sur scène, et puis ils viennent, et puis c'est différent, la musique est différente, le groupe est différent. Mais voilà, c'est pour ça que ça fait aussi 25 ans qu'on est là, parce qu'on arrive tout le temps à s'adapter, et je pense à rester quand même en phase avec notre époque, j'espère. Comme certains groupes, parfois des années 80, qui restent un peu datés aujourd'hui, quand ils... Je pense que nous, on est quand même en phase avec ce qui se passe dans la société. Vous venez de sortir ce nouvel album. Quels sont vos projets pour la suite ? Alors, on a un projet de... On va faire une suite de Ni Prédateur Ni Proie. C'est pas très nous, mais on avait envie d'élargir le... de tirer un peu plus sur la corde de Ni Prédateur Ni Proie. Le thème est riche et puis il y a une énergie un peu comme ça tribale, ethnique avec le rapport à l'Orient qui nous sied bien en ce moment pour la scène. Donc on va sortir un nouveau disque encore sur Hansen et Jarring Effects avec des nouveaux morceaux mais très très rythmiques et une partie avec des réécritures de certains amis comme Mimetic, Norsk, Abovo, Wild Shores, 2 Kilos and More. Donc ça va être un sort d'album très bizarre où il y aura la moitié Von Magnet, la moitié les amis, et on va essayer de trouver une cohérence là-dessus. Et à partir de cet album, on va continuer une nouvelle tournée en fait avec un nouveau projet. Que ça, c'est l'actualité pour 2009. On fait la première, toute première de ce nouveau projet pour le festival Rhythm Collision à Lyon avec Pansonic dans la même soirée. Et après, on part en tournée, on espère tourner jusqu'en printemps 2010, a priori, là-dessus. Eh bien, ce sera l'occasion, peut-être, de vous revoir sur scène. Merci, Phil, pour cet entretien, et merci aux Cigales qui t'ont accompagné.